de conférence aujourd'hui. Pourquoi tu as parlé? Tu le sais. Non. Qu'est-ce qui fait que quand les gens sont pleins d'énergie vitale, ils ont tendance à le dilapider? Par quelque moyen que ce soit. Quand on est plein, on a le goût de le dépenser. Sans le garder pour faire autre chose de plus créatif. Bon. Le mécanisme que tu veux aborder là, c'est un mécanisme qui est intéressant. Une personne hyperactive a un peu trop d'énergie vitale. Il y a une personne qui est nerveuse, une personne qui a la tremblette ou la tremblotte. Personne qui n'arrive pas à dormir. Il y a différentes formes d'expression d'un surplus d'énergie vitale qui doit être éliminé par le corps. Alors pourquoi? L'hyperactivité vitale, tout le monde connaît ça. Il y a l'hyperactivité psychologique que certains connaissent, et l'hyperactivité psychologique se transpose automatiquement dans une hyperactivité vitale. Par contre, l'hyperactivité vitale, tout le monde connaît ça. Lorsqu'on est presque fatigué et à un moment donné, on a comme un regain d'énergie, on ne s'est pas couché, la fatigue est partie. On est fait, on devra se coucher 2, 3 ou 4 heures plus tard, sachant bien qu'à notre réveil, on va être fatigué. Les personnes qui, à un moment donné, ont une tremblotte, souvent avec les pieds, écoutent la télévision, se relaxent, et on a quelque chose au niveau physique qui oblige le corps à bouger. Certaines personnes, lorsqu'elles viennent pour se coucher, ressentent comme dans un membre ou deux, comme quelque chose qui doit absolument mobiliser le membre. La personne doit bouger à un moment donné dans son lit. Puis tout d'un coup, ça revient encore et c'est même très achalant. Certains connaissent ce genre de mécanisme. L'énergie vitale, qui normalement devrait être canalisée, devrait servir à l'évolution, devrait servir à la création du globe éthérique, devrait servir à la restauration de la santé, mais qui doit être brûlée. Donc, de l'énergie vitale qui, en fin de compte, ne doit pas servir l'humain. Alors, quel genre d'énergie vitale est-ce? Lorsque la psychologie, à son insu, est manipulé à involuer. Il faut comprendre que l'évolution du plan astral, pourquoi je dis que l'astral est le seul plan chez l'homme qui n'évolue pas? Parce que le plan astral est le seul plan chez l'homme qui involue. Disons pour l'instant que le plan astral est un plan stagnant. Ni involutif, ni évolutif, mais il est un plan stagnant qui n'a pas fini son involution. L'énergie astrale, lorsqu'elle va poursuivre son évolution cosmique, va donc poursuivre son évolution terrestre. C'est-à-dire que l'énergie astrale ne deviendra pas mentale, l'énergie astrale doit être baissée en vibration pour devenir vitale. Le problème de l'humain, c'est que cette partie de l'énergie qui l'habite a été capable de résister à l'involution. C'est pourquoi l'âme veut évoluer. A été capable de résister à l'involution et est restée stagnante dans un plan que l'on appelle astral. Mais ça ne doit pas être pour compléter l'humain. L'évolution de l'homme global, c'est l'involution des plans astraux au niveau vital. Le corps mental, comme on l'a vu dans le séminaire sur la colère mentale, va prendre la place de l'ego, va prendre la place de l'âme, entraînant avec lui l'énergie supramentale. Alors on aura donc un humain non astralisé, qui possédera quand même un corps astral, mais ce corps astral ne sera pas coloré. Il ne sera pas assujetti aux mécanismes et aux mémoires planétaires, donc il ne sera pas manipulable par le contexte du monde des morts, par le contexte astral planétaire. Il sera régi par l'énergie supramentale ou par les cieux. Lorsque l'ego voit une partie de sa propre énergie transmuée en énergie vitale, lorsque les processus de l'involution astrale, donc de l'évolution cosmique, se poursuit, une partie vibratoire de l'ego est transformée en énergie vitale. Mais l'ego se charge, disons, d'empoisonner l'énergie vitale qui est ainsi léguée au corps vital. Cette énergie vitale ne peut donc pas servir. Elle est de forme végétale. Ce n'est pas de l'énergie vitale comme on la connaît, au niveau hominal. Alors, l'humain qui a vu ou qui voit, consciemment ou inconsciemment, une partie de l'ego se transformer en corps vital, en énergie vitale, voit automatiquement un processus d'hyperactivité vitale, c'est-à-dire qu'il se doit d'excréter, d'éliminer, de brûler, de consommer l'énergie vitale qu'il a maintenant accueillie à son insu. Cela veut dire que l'ego, dans son processus d'évolution normale, se doit obligatoirement de devenir vital. L'âme doit s'écraser sous le poids de l'esprit et elle doit devenir vitale. Étant vitale, elle va non seulement restaurer la santé du corps physique et du corps vital, permettre les guérisons, permettre aussi la transmutation de la matière par échange d'énergie vitale, et elle va évidemment permettre la création du double éthérique dans le monde moronciel, c'est-à-dire dans un monde entre le monde des morts total et le monde des vivants. Sauf que chaque fois que l'ego vit cette involution à son insu, sans qu'il en comprenne le pourquoi, sans qu'il ait été éduqué ou sans qu'il soit régi par le contexte mental, il empoisonne, c'est-à-dire qu'il crée une énergie vitale qui n'est pas nécessairement en affinité avec l'énergie vitale de l'homme. Cela va donc créer des tensions physiques, mais des tensions qui ne sont pas musculaires. Lorsqu'une personne sent, normalement ça peut être dans les jambes, mais ça peut être sur plusieurs autres muscles, dans plusieurs membres. Lorsqu'une personne qui est, par exemple, au repos, essaie de dormir et à un moment donné, elle sent comme quelque chose qui achale son bras, elle doit bouger, grouiller, éliminer. Il y a souvent une relaxation musculaire complète, une relaxation nerveuse complète, sauf qu'il y a un ordre vital donné à sa musculature de bouger. L'énergie vitale n'étant pas suffisamment puissante chez l'humain, pour l'instant, pour accomplir une mobilité musculaire sans système nerveux, seulement par la voie vitale, ne fait que créer l'impression d'impulsion musculaire dans le membre, comme si le muscle devenait intentionnel, comme celui-ci était obligé d'être mobilisé, de bouger. Et tant que l'énergie qui le pousse à bouger n'a pas été brûlée, donc tant que le muscle n'a pas bougé, l'énergie vitale reste autour du muscle. C'est extrêmement achalant. Médicalement parlant, on peut guérir, c'est-à-dire qu'on peut pallier un peu à ce genre d'involution astrale par certains médicaments. Mais on ne règle jamais le problème, à jamais. Ça revient. Et c'est normal que ça revienne, ça fait partie de l'involution de l'ego. Les médicaments, qu'est-ce qu'ils font? Il faut comprendre que la majorité des médicaments n'agissent pas de par leurs molécules, de par leurs atomes, mais agissent de par la liaison qui régit les atomes, formant la molécule. La grande majorité des médicaments vont simplement être des transporteurs de formes vitales qui vont être brisées par le corps physique humain, et la forme vitale, l'énergie vitale du médicament, étant brisé, brise aussi une partie de l'énergie vitale humaine. Lorsque l'humain absorbe, prenons l'exemple d'un virus ou d'une infection. Lorsque l'humain absorbe un antibiotique, les champignons de l'antibiotique, l'antibiotique c'est des champignons microscopiques, l'énergie vitale de ce champignon, lorsqu'elle est en contact avec l'énergie vitale du virus, se mêle à l'énergie vitale du virus. Se mêlant à l'énergie vitale du virus, automatiquement, le champignon transforme l'énergie vitale du virus. Le virus ne peut plus garder sa forme, donc le virus change, est muté, est détruit dans le langage courant. Le champignon lui-même va donc être détruit s'il n'a pas eu suffisamment d'énergie vitale intrinsèque, propre à lui, et si, lorsqu'il a détruit l'énergie vitale du virus, il a vu la sienne altérée, les deux sont détruits. Alors, on a besoin de prendre des antibiotiques assez longtemps pour pouvoir s'assurer la destruction vitale du virus, de l'infection, pour être précis. Bon, lorsque l'humain absorbe des aliments, il absorbe de l'énergie vitale, sauf que cette énergie vitale ne peut être absorbée par le système digestif. Il y a une très petite partie de l'intestin grêle du duodénum qui est capable d'assimiler l'énergie vitale, mais une très petite partie. Étant donné que l'humain mange rapidement et que l'humain mange beaucoup, le bol alimentaire, ce qui est digéré, ne reste pas longtemps dans l'intestin grêle, c'est-à-dire dans cette partie du duodénum qui est reliée à l'estomac. L'humain va capter d'autant plus d'énergie vitale qu'il sera capable d'ominiser, de transformer pour que cela puisse lui servir. Il va en capter d'autant plus par la bouche qu'à la condition qu'il mange, qu'il mastique lentement. Mastiquer, c'est briser les fibres, c'est libérer les molécules. Libérer les molécules, c'est permettre aux capteurs d'énergie vitale de la bouche de pouvoir entrer en contact plus facilement avec la forme, avec l'énergie vitale des molécules de l'aliment que l'on mange. Prenons l'exemple de légumes ou de fruits crus. La mastication, elle ne sert à peu près qu'à cela. L'estomac est un muscle, il est muscularisé, il est capable de travailler en contraction, et l'estomac est suffisamment puissant pour digérer sans problème des aliments non mastiqués. Et ça n'a rien à foutre, le fait d'avaler tout rond, ça n'a rien à voir avec la création d'ulcères d'estomac. C'est la nervosité qui va engendrer l'ulcère au niveau de l'estomac, quoique la majorité des ulcères sont encore une fois dans l'intestin grêle, au début. Et ce n'est pas le fait que l'être humain mange des choses trop grosses. L'estomac travaille, s'entretient lorsque l'humain avale tout rond. Donc, ce n'est pas nécessaire. On pourrait presque dire que c'est malsain de trop mastiquer, parce que cela fait que l'estomac, la langue, faiblit. Il n'y a plus rien à mastiquer, lui. Lorsque l'humain mange vite et avale rond, n'étant pas conscient du pourquoi il le fait presque toujours parce qu'il est nerveux. Et là, on aura des ulcères d'estomac. Évidemment, on peut penser que les deux mécanismes sont reliés. Tu manges trop rond, ça crée des ulcères d'estomac ou ça crée des problèmes digestifs. Non, tu manges trop rond parce que tu es nerveux. Et c'est la nervosité qui engendre le problème. La mastication, sauf dans certains cas de rares sucres, comme l'amidon, qui est digéré par la salive presque exclusivement, la mastication n'a d'autre fonction que d'obliger ce qui est mangé à être mêlé, à être brisé, pour pouvoir avoir plus de contact avec les capteurs d'énergie de la bouche et de la gorge. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que l'humain est capable, au niveau vital, de se nourrir en mastiquant et en crachant, donc sans avaler. Si vous prenez de l'herbe, du gazon, et non pas de la marie, si vous prenez de l'herbe et que vous la mâchez, il est bien évident qu'au niveau herbivore, végétarien, qui est l'herbivore humain, il est végétarien, lui, il est plus snob, l'éléphant est herbivore, le bœuf est herbivore, le bison est herbivore, le cheval est herbivore, tous les mammifères planétaires, terrestres, donc de surface, tous les mammifères les plus puissants sont herbivores. Ils ne mangent pas de viande. Les animaux les plus faibles sont des carnivores. Ils sont souples, raffinés par leur astral collectif, par l'astral, par l'âme de groupe, de façon à pouvoir capturer la force. Mais l'animal le plus puissant sur la planète est un herbivore. Qu'il se nourrisse de plancton, qu'il se nourrisse d'herbes, de feuilles, de racines, de tiges, il est herbivore. Maintenant, il y a un problème. Ce n'est pas parce que l'animal le plus puissant sur la planète est herbivore qu'automatiquement le régime végétarien devient un régime qui va rendre l'humain puissant. J'ai déjà expliqué que l'humain a évolué parce qu'il mangeait de la viande. Chaque fois que l'humain mange de la viande, il absorbe de l'énergie astrale de l'animal qu'il mange ou de l'humain qu'il mange. Automatiquement, il grossit son ego. Grossissant son ego, Il développe les désirs. Il assume le karma de ce qu'il a mangé. Développant son schéma de désir, il entretient la frustration face à la vie parce que ses désirs ne s'avèrent pas réalisés. Automatiquement, il désire l'efficacité, ce qui l'oblige à intellectualiser ses mémoires, ce qui l'oblige à créer le corps intellectuel qui va se transformer en corps mental. Lorsqu'il a un corps mental, il est hautement évolué. Tandis que le végétarien qui n'a pas de corps mental n'en aura jamais. Si on regarde les peuples décadents de l'Antiquité, nous pouvons constater que l'Inde est un peuple décadent végétarien. Et tous les peuples végétariens ne sont que des peuples d'esclaves. Ce ne sont pas des peuples évolués. Ce sont des peuples hautement spirituels qui seront toujours et totalement manipulés par l'égrégore du ciel planétaire. Et ce ne sera jamais un peuple qui va foncer, changer, transformer, innover. Et ce ne sera pas non plus un peuple à entrer en contact avec l'énergie supramentale pour la simple raison qu'ils n'ont pas de corps mental. Sauf que lorsque le corps mental est constitué, y a-t-il encore une raison d'absorber des mécanismes animaux qui vont continuer à égoïser, à énergiser l'âme de celui qui a maintenant un corps mental et qui se rapproche du contact supramental? Si l'on veut être végétarien, l'on doit l'être seulement à la suite de la personnalisation du mental. On peut être entre les deux. On peut avoir un régime plus axé sur le végétarisme que sur le régime carnivore. Mais on doit faire attention. Celui qui est végétarien, sans qui ne mange pas de viande, doit donc au minimum absorber de l'alcool, du vin, de la bière, n'importe quoi qui a de l'alcool. L'alcool fait la même chose que le mécanisme de la viande. Celui qui est végétarien et qui ne mange pas de viande et qui ne boit pas d'alcool devrait absorber du sucre. Cela aussi permet l'égoïsation, donc permet la construction à moyen terme d'un corps mental. Celui qui veut suivre un régime végétarien tout à fait pur sera toujours une personne hypersensible, hyper manipulable. Une personne qui, en fin de compte, devra attendre l'évolution des autres pour arriver à être attirée. Mastiquer convenablement et cracher. C'est-à-dire ne pas avaler. Lorsque l'humain a suffisamment de minéraux, maintenant je dis ceci aujourd'hui, j'aborde lentement, je veux parler de l'énergie vitale, parce qu'au niveau du PMC qui reprend cet automne, il y aura un travail immense au niveau des plans vitaux. La planète Terre entre dans une phase en 87 qui lui permettra d'être d'autant plus vitalisée, et il est important que les humains qui ont maintenant des techniques, même si ces techniques n'ont pas été perfectionnées, puissent les perfectionner de façon à pouvoir goûter à l'énergie vitale. Qui va revenir, qui va commencer à grimper à l'échelle nord-planétaire. Le fait de mastiquer de l'herbe et de la cracher permet à l'humain de capter l'énergie vitale tellurique de l'herbe. L'avaler, non. L'humain ne peut pas, en étant végétarien, pour l'instant, devenir aussi puissant que le bœuf, pour la simple raison que l'humain n'a pas ce qu'il faut pour digérer la cellulose contenue dans les choses végétariennes. Si l'humain se nourrit que d'herbe, comme le cheval, il mourra d'inanition très rapidement. Tandis que le cheval a un système digestif lui permettant d'assimiler le sucre le plus puissant de la planète contenu dans l'herbe. Et l'humain ne le peut pas. Alors, on ne peut pas comparer la puissance musculaire des animaux herbivores à ce que deviendrait l'humain si l'humain était herbivore. Le végétarisme n'est pas là pour entretenir la santé. Le fait d'être végétarien permet évidemment l'élimination d'un paquet de toxines accumulées par l'alimentation carnée. Le végétarisme, pour l'instant, doit servir beaucoup plus de cure que de régime alimentaire annuel, à vie, pour l'instant. Le régime végétarien, il est bon, et l'humain va tendre de plus en plus à devenir végétarien. L'humain qui aura un corps mental personnalisé. L'humain qui aura un vrai corps mental. L'humain qui ne sera pas sensible. Il ne faut pas adopter un régime. Il faut bien comprendre que le régime végétarien n'est pas un régime qui va aider l'humanité. C'est un régime qui va devenir automatique chez l'humain lorsque l'humain n'aura plus besoin d'un régime qui l'a aidé à évoluer. Le régime végétarien n'est pas un régime qui aide l'évolution. Le régime carné est un régime qui aide l'évolution. À l'origine, l'humain était végétarien. L'animal. Lorsque l'animal est devenu humain, il a lentement été transformé, muet, et il est devenu omnivore. Omnivore, cela veut dire qu'il est capable de manger des fruits, des légumes, de la viande, des noix, des céréales, à peu près tout. Comme l'ours, comme le singe. Le régime carnivore est un régime qui permet à l'homme de pouvoir évoluer. Qui, dans les animaux, dirige la planète? Les carnivores. Les chevreuils ne font pas la loi dans nos forêts. Les loups la font. Les coyotes la font. Les pumas la font. Les lynx la font. Mais pas les chevreuils. Pas les orignales. Et c'est partout sur la planète. L'herbivore a peur. Le carnivore domine et dirige. Le carnivore a automatiquement la faculté d'intellectualiser, de logiférer sur son expérience mémorielle. Il a la pensée beaucoup plus vive et beaucoup plus rapide que l'herbivore ou le végétarien. Une personne peut dire, moi, ça fait 2 ans que je suis végétarienne et j'ai jamais vu, je me suis jamais senti aussi bien. Oui. Parce qu'elle a une évolution carnée et parce qu'elle a éliminé les toxines, l'évolution carnée ou l'évolution amenée par le régime carnivore maintenant apparaît. Sauf, même si elle ne s'est jamais sentie aussi bien, sauf que son évolution va être bloquée. Si la personne poursuit dans un régime plutôt végétarien et quelquefois carnivore, alors automatiquement elle va poursuivre son évolution, même si elle se sent bien. Lorsque nous regardons certains régimes végétariens, qui accepte les œufs et qui accepte le lait. Automatiquement, c'est un régime qui est carnivore. On mange des choses animales. Automatiquement, ce régime permet beaucoup plus facilement l'évolution végétarienne. Mais celui qui exclut et qui ne mange que des choses végétales va rester dans sa sphère astrale et n'évoluera plus. De la viande, de temps en temps, ne rend jamais le corps intoxiqué. Un corps en parfaite santé est capable d'éliminer, en dedans de 48 heures, toutes les toxines d'un bon steak. Mais une personne qui mange 2 steaks par jour, évidemment, aura toujours un corps intoxiqué. Celui qui est végétarien et qui, de temps en temps, se paie de la viande, ne risque rien. Il ne fait rien que poursuivre son évolution. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. Lorsque l'ego s'habitue au régime végétarien, normalement l'ego ne recherche le régime végétarien que parce qu'il a appris que c'était bon. Que parce que, même si c'est inconscient chez lui, que parce qu'il est manipulé à une philosophie spirituelle d'évolution alimentaire, et il adopte ce régime, mais il ne comprend pas pourquoi. Il doit apprendre pourquoi. Mais il ne le sait pas. Elle doit l'apprendre. L'ego finit par accepter la forme et elle peut transformer le corps vital de façon à ce que le corps physique ne puisse plus jamais digérer de la viande. L'humain vient de se faire fourrer par les plans astraux. La personne se doit de revenir vers le lait, de revenir vers les œufs, vers le fromage et lentement vers de la viande. parce qu'elle s'est fait avoir. L'énergie vitale entoure toute chose. L'énergie vitale permet la conservation de la forme de ce verre. L'énergie vitale se trouve dans le verre. C'est le jus. L'énergie vitale se trouve aussi dans le verre. C'est l'air. Et lorsque l'homme est capable de faire le vide d'air, il reste de l'énergie vitale. On ne fait pas le vide d'énergie vitale. En dessous de mon verre, entre le verre et la table, il y a de l'énergie vitale. Entre le récipient et le verre, il y a de l'énergie vitale. Entre moi et Richard, il y a de l'énergie vitale. Au-dessus, en dessous, en avant, en arrière, à gauche et à droite de Richard, il y a de l'énergie vitale. Entre ses pieds et la plateforme, il y en a plein. L'énergie vitale, elle est non seulement présente partout à l'extérieur de vous, mais c'est elle qui constitue votre forme physique. Et c'est sur elle que vient s'asseoir le périsprit, l'enveloppe séraphique de l'ego, de l'âme, pour être précis. C'est donc elle qui permet la création et la constitution énergétique de l'âme. Étant éthérique, planétaire, elle peut entrer en contact avec l'éthérique supramental, et comme le corps mental est un corps qui est énergétiquement plus proche de l'énergie supramentale, il peut donc instruire l'ego par la voie de l'éthérique de l'âme, du périsprit. Partout, il y a de l'énergie vitale. L'eau a la faculté de capter l'énergie vitale. C'est pourquoi l'être humain salive. Et lorsque l'être humain marche et brise les molécules de ses aliments, la salive absorbe l'énergie vitale. Et lorsque l'humain est capable de mastiquer suffisamment longtemps, la bouche va aussi l'absorber. Il y a, à l'échelle de notre planète, différents matériaux qui absorbent de l'énergie vitale. Et vous devez apprendre quels sont ces matériaux pour pouvoir vous en servir. L'eau. La laine. Le coton. Les bois à haute densité, comme le chêne, le merisier, l'érable, le frêne. Les bois à haute densité sont des grands canalisateurs d'énergie vitale. Les cheveux. La peau ou les peaux. Donc le cuir. L'énergie vitale, elle permet ceci. Elle permet la constitution d'une forme et la mémorisation de la forme, donc le verre garde sa forme. Elle permet une forme, la constitution, lorsqu'elle est plus évoluée, d'une forme qui sera capable d'être malléable tout en restant elle-même. Est-ce qu'on pourrait m'apporter un crayon et un verre d'eau? Ce liquide peut bouger. Et donc, l'énergie vitale qui l'anime est une énergie vitale drôlement évoluée qui permet au liquide de continuer à bouger selon une attraction vitale très particulière. Alors, la surface de ce liquide reste toujours horizontale au centre de la Terre, perpendiculaire au centre de la Terre, donc plat. Il n'y a pas plus plat qu'un plan créé par l'énergie vitale donnant un liquide. La face de ce liquide est totalement plate. Il n'y a pas, même au microscope, de bosse. L'énergie vitale d'un liquide est automatiquement l'énergie vitale magnétique. Passe-moi le verre. L'eau est l'un des plus grands capteurs d'énergie vitale. Si je verse l'eau, l'eau coule. L'énergie magnétique de l'eau permet à l'eau de glisser sur le long du crayon. Pourquoi? Pourquoi l'eau glisse le long du crayon et pourquoi l'eau ne tombe-t-elle pas à terre? Parce que l'énergie vitale de l'eau attire les molécules de l'eau et automatiquement l'eau crée un faisceau, même à l'endos du crayon, même sous le crayon, et l'eau ne tombe pas. Elle va s'écouler le long du crayon, et si mon crayon mesure 1 000 de long, l'eau va rester sous le crayon pendant 1 000 de temps. À l'instant où le crayon est mouillé, et pourquoi le crayon est-il mouillé? Parce que l'eau s'attache au crayon, et c'est l'énergie vitale. À l'instant où le crayon est mouillé, automatiquement, l'eau va suivre, et en plus, ce crayon ici est peinturé, ce qui colle moins. Si je prends ce verre, je le penche légèrement, l'eau coule et elle suit le crayon. Constatez. Lorsqu'il pleut et que vous êtes en auto, vous avez déjà constaté que lorsqu'une goutte était passée, que tout le reste de l'eau passait par le chemin de cette goutte. Ça crée un chemin, un canal, et l'eau coule le long de ce canal. Si vous faites une ligne là-dessus, automatiquement, l'eau va s'éparpiller le long de votre ligne, et elle va se recréer d'autres canaux. L'énergie vitale, c'est quelque chose de tangible. C'est magnétique, ça attire. Dans l'eau, comme dans les jus, il y a énormément d'énergie vitale. Si je prends de l'eau de source, je vais, comme à Montebello, ou à côté du chalet, il y a une source souterraine qui sort, je prends un verre d'eau. Je mets un bâton sur le verre, je fais couler. On n'aura pas du tout le même écoulement qu'avec cette eau. L'énergie vitale des deux eaux n'est pas la même. Si je magnétise pendant 5 minutes ce verre d'eau, je le laisse ici. La semaine prochaine, quand vous allez repasser, vous allez pouvoir boire l'eau. Si je prends ce verre d'eau, je le divise en deux. Je magnétise celui-ci. Dans un mois, celui-ci va être brun et noir, et celui-ci va toujours être buvable. L'eau ne pourrira pas. Lorsque le soleil a magnétisé les fruits et les légumes, ou lorsque la terre a magnétisé les légumes souterrains, ou les fruits souterrains, ils ne pourrissent pas, tant que l'énergie vitale qui les habite n'aura pas été expulsée à l'extérieur. On appelle cela mûrir. Ils ne pourriront pas. Lorsqu'il n'y a plus suffisamment d'énergie vitale, la forme s'en va. La forme est oubliée, la mémoire est perdue. Le légume ou le fruit se transforme, il pourrit. Lorsque vous prenez une graine, toutes les graines contiennent immensément d'énergie vitale. C'est sans doute l'endroit où l'humain peut en trouver le plus. Dans les huiles végétales et dans les grains. Lorsque vous prenez une graine, vous la plantez. L'énergie tellurique qui l'habite est maintenant capable de faire en sorte que la graine va se développer et va pousser pour donner quelque chose de monstrueux au niveau de la grandeur. Un arbre. Vous savez que la graine du séquoia, du pin de Colombie, l'un des arbres les plus hauts au monde, un seul séquoia est suffisant pour construire un petit village de 30 familles en maisons et en meubles. Un arbre. On prend la graine, on la plante. 300 ans après, on peut se construire avec un arbre. Un village. Lorsque l'humain mange des grains, l'humain ne sait pas comment les apprêter. Lorsque nous prenons de l'huile d'olive et que nous la plaçons au soleil, vous prenez de l'huile d'olive, vous la placez dans un récipient incolore, bouché, vous la placez au soleil. Après 24 heures, vous avez presque la même chose en résultat et en effet que ce que l'alchimie appelle le synchrème. L'huile christique. Après plusieurs mois, on a une huile qui permet ce que l'humain appelle des miracles. Cette huile en a tué plusieurs. Parce que l'humain ne sait pas ce que veut dire concentrer. Absorber un gallon d'huile, d'olive, en dedans de 5 minutes, peut tuer le corps. À cause de la chimie de l'huile. Mais au niveau de la vitalité contenue dans l'huile, ça pourrait être bénéfique. Mais l'effet secondaire étant plus vache, le corps humain ne résiste pas. Alors on prend un peu d'huile et au lieu d'absorber un gallon d'huile pour avoir un gallon d'énergie vitale de l'huile, on prend un peu moins d'huile et on la place au soleil. Énergisé par le soleil, alors automatiquement, l'huile concentre l'énergie vitale ionique du soleil, ce qui fait qu'à un moment donné, on en prend une goutte et on a le contenu d'un gallon en énergie vitale de l'huile. Je parle de ceci aujourd'hui pour que vous compreniez. Non pas pour que vous commenciez à ramasser de l'huile d'olive ou ce genre de choses. Certains vont le faire, ça ne sera pas nécessairement mauvais, mais il faut faire attention, c'est à vos risques et périls. Mais j'en parle surtout pour que vous compreniez la puissance et l'utilité des énergies vitales. Lorsque je suis capable de prendre de l'énergie vitale et de la placer entre le verre et la table, automatiquement, le verre lève. Lorsque je prends mon énergie, le verre redescend. Il y a un interprétateur actionnel dans chacun de vous. Lorsque l'être humain pense, il pense dans son âme. Il pense dans le monde des morts, il pense dans la mémoire, il pense dans le passé, il pense dans la pensée. Pensant dans la pensée, cette pensée, non seulement n'est qu'expérientielle et n'est pas existentielle, n'est pas réelle. En plus, cette pensée est d'ordre astral, donc elle n'a aucun pouvoir sur rien d'autre que l'ego. Alors, par la pensée, je ne peux pas faire bouger quelque chose. Je dois penser. Un mécanisme hautement vital à l'intérieur de mon cerveau, qui s'appelle un interprétateur actionnel, celui qui interprète la pensée pour la régir en action, capte la pensée. Cet interpréteur ou interprétateur est séraphique, donc il est relié au périsprit de l'âme. Captant la pensée, il va l'interpréter, la décoder, la transposer et envoyer les impulsions vitales et nerveuses de façon à ce que mon corps puisse bouger. Le seul pouvoir de la pensée pour l'instant chez l'homme normal ou l'homme ancien est transitif, est de pouvoir faire bouger le corps. Et le corps peut lever les choses. Lorsque d'ici peu, certains du PMC auront suffisamment de contrôle sur leur corps vital et sur l'énergie vitale environnante, ils seront capables de faire bouger le corps sans passer par le système musculaire. Alors, ils pourront lever le corps, mais les muscles ne seront pas contractés. C'est la première partie du contrôle de l'énergie vitale extérieure. Alors, ils pourront prendre une valise d'une tonne et levant le bras, lever la valise. Alors, ils auront une puissance apparemment musculaire qui dépassera de beaucoup ce que l'humain normal connaît. En Italie, en 1956, un tracteur de plusieurs tonnes s'est renversé sur un jeune enfant. Lorsque sa mère l'a vu, elle s'est garochée, elle a soulevé le tracteur, elle l'a remis sur ses quatre roues et elle a sorti son enfant. Cette femme n'avait rien d'autre comme puissance que tout son ego et que son interprétateur actionnel qui se sont mis ensemble pour créer suffisamment d'énergie vitale. La femme n'avait plus d'ego. La femme ne savait pas ce qu'elle faisait. La femme ne se souvient même pas d'avoir fait. Alors, automatiquement, elle avait la puissance nécessaire pour placer suffisamment d'énergie vitale entre le sol et le tracteur en plaçant ses mains et soulever le tracteur. Sur le métropolitain, il y a quelques années de cela, lors d'un accident, un noir est arrêté. Il a traversé la clôture centrale du métropolitain. Il a arraché la porte de l'auto accidentée. Il a relevé le toit. Il a arraché le volant. Et il a sorti la personne d'un auto qui était en train de brûler. Égoïquement, ça plaît d'entendre parler comme cela. Et tant qu'il y aura de l'égoïquement, du plaisir, vous ne pourrez pas y arriver. Chaque fois que l'ego commence à jouir du phénomène, il absorbe l'énergie vitale en expérience, en autant pour l'expérience. L'énergie vitale, elle vous habite, vous en avez. Elle est de trois types. Yannick, solaire, yan. Yinnick, tellurique, yin. Ominal, humaine. L'énergie yang doit être transmuée en énergie ominale. L'énergie yin doit être transmuée en énergie ominale. Et c'est ça le problème. Lorsque l'humain prend du soleil, il capte du yang et à un moment donné, il a trop de yang. Pour rééquilibrer, il doit capter du yin. Mais l'humain ne devrait que transformer l'énergie yang ou yin en énergie ominale. Alors, vous pouvez capter de l'énergie yang tant que vous voulez, et jamais vous n'en aurez trop comparativement à l'énergie yin. L'homme n'aura jamais trop d'énergie ominale. C'est son chemin d'évolution. L'énergie ominale, lorsqu'elle est captée, agglomérée, concentrée, permet à l'interprétateur actionnel d'arriver à être tout à fait en conscience et en interaction avec le corps mental. Automatiquement, vous regardez quelque chose et la chose vient à vous. Vous n'avez pas à y penser. Exactement comme lorsque vous prenez quelque chose. Lorsque je prends le verre, je n'ai pas à y penser. Je désire prendre le verre. Instantanément, le deltoïde se contracte, le biceps se contracte, les extenseurs de la main se contractent, le pronateur bouge. Les muscles de mon dos vont travailler. Le supinateur va bouger, le pronateur dans ce cas-ci. Mes mains vont prendre le verre. Je vais analyser le poids du verre ainsi que sa résistance de façon à ne pas écraser le verre. Alors, je prends le verre. Juste ce qu'il faut, je suis capable de le conserver et je ne pense plus. Le pectoral se contracte, le verre revient, le deltoïde reste contracté, donc stimulé sans arrêt. Biceps aussi, toutes les muscles de l'avant-bras, les muscles des doigts, l'opposeur du pouce pour pouvoir contenir le verre. Je l'approche de mes lèvres sans rien analyser, sans rien penser. Je dois contracter le reste, je dois boire. Au fur et à mesure que je bois, je dois avaler pour ne pas envoyer l'eau dans mes poumons. Je n'ai aucun problème. Je redépose tout cela. En même temps, ma colonne restait contractée, ma tête restait contractée. Je pouvais observer les choses, rester conscient, sans avoir à y penser. L'interprétateur actionnel, c'est ce qu'il fait. Une partie de celui-ci vibre au niveau du cervelet. La grande partie vibre au niveau du cortex, là où l'intellect n'est pas. Je détecte égoïquement une mauvaise position du corps ou une fatigue musculaire. Automatiquement, cela arrive à mon ego. L'ego expérimente d'une façon qu'il n'aime pas. Il n'a pas à penser plus. L'interprétateur actionnel actionne le corps et le place d'une nouvelle façon, de façon à ne plus stimuler l'ego. Continuellement, tout ce que vous faites, musculairement parlant, n'est pas régi par votre pensée. C'est régi par l'interprétateur actionnel. Au fur et à mesure de l'avancement du PMC, vous allez apprendre à toucher, à connaître, à goûter à celui-ci. Parce que lui est capable d'actionner votre corps comme il est capable d'actionner tout ce qui existe à l'extérieur du corps. La guérison. La gestation. L'antidouleur. Non pas la non-perception de la douleur. L'élimination de la douleur, donc la cure, ou l'ajustement, comme lors d'un accouchement. Mouvement d'objets à distance, protection. Lorsque je parle de mouvement d'objets, je parle aussi du mouvement du corps. Télékinésie, psychokinésie, lévitation. Mutation atomique des constituants de la matière. Je prends l'or, je prends le plomb. Le plomb a un électron de plus que l'or. J'élimine l'électron, le plomb se transforme en or. Je prends l'hélium, je prends l'hydrogène. Un électron les sépare. Je rajoute ou ôte un électron, je crée. Je transmute. Tout cela fait partie du domaine du possible. La seule chose qu'il y a, l'humain doit connaître l'énergie vitale nominale et l'humain doit contrôler ou doit connaître mentalement l'actionneur corporel, l'interprétateur actionnel. Lorsque l'humain prend un grain, il le mange, il le mastique et il l'avale. il doit s'arranger pour fonctionner de façon à ce que l'énergie yan ou yin de ce grain soit transformée en énergie ominale. Sinon, il a beau être végétarien, il ne sera pas plus puissant. Il aura un corps en meilleure santé parce que moins intoxiqué. Mais il n'accumulera pas, il ne sera pas capable d'accumuler de l'énergie. Si quelqu'un le fait et qu'il ne sait pas comment, ça ne change rien. Il ne peut pas en accumuler suffisamment. Cet automne, vous allez travailler sur le perfectionnement, quel que soit le PMC, sur le perfectionnement des techniques. J'expliquais dans certains PMC que l'énergie vitale tellurique étant suffisamment manquante, présentement, la majorité des techniques ne permettaient pas aux pratiquants d'accumuler de l'énergie vitale. Ça lui permettait de cesser d'empirer, mais ça ne le réorganisait pas nécessairement. 87, ça va commencer cet automne, vers le mois d'octobre de toute façon. 87, l'énergie vitale de la planète au niveau du nord, de l'hémisphère nord, recommence à s'accentuer. Les techniques doivent être perfectionnées parce qu'à partir de ce temps, elles auront un effet chez l'humain. La démarche flottante sert surtout à la perception et à l'extension du corps vital, donc de l'énergie vitale. Lorsque l'humain est capable, en passant sa main, de détecter les objets les yeux fermés, c'est proche du temps où il pourra les actionner. À quoi ça sert d'actionner un objet? Ça ne sert pas à plaire à l'ego. Ça sert à économiser l'énergie. C'est intelligent. Il faut beaucoup plus d'énergie vitale transformée en énergie musculaire pour lever ou bouger quelque chose qu'il en faut à l'énergie vitale seule à le bouger. Exactement comme si vous prenez un bœuf. Vous mangez un bœuf. Mais pour pouvoir être nourri du bœuf, le bœuf a dû manger des champs et des champs de foin et d'herbe pendant des années. Et l'énergie contenue dans le bœuf est plus petite que l'énergie contenue dans une seule bale de foin. Mais pour que vous puissiez manger suffisamment d'énergie dans le bœuf devra manger des milliers de bales de foin. L'être humain prend une cuillerée de plancton par jour. Et ça le nourrit. Mais lorsqu'il mange du poisson, il doit manger beaucoup plus de poisson. Et ce poisson représente des tonnes de plancton. L'énergie vitale, c'est la même chose. Pour que l'humain puisse bouger, disons, des tonnes d'énergie vitale ont dû être transmuées en corps physique, en énergie. Mais pour que l'humain puisse vitalement contrôler une chose à distance, ça demande 1000 fois moins d'énergie. Alors, ça fait donc partie du processus même de l'intelligence de l'évolution de l'humanité que d'arriver à avoir un contrôle mental sur l'interprétateur actionnel. Pourquoi l'humain égoïque ne l'a pas? Parce que les désirs de l'humain sont tellement dangereux que s'il aurait cette puissance au lieu d'avoir du pouvoir, il aurait détruit depuis longtemps l'humanité. Il attirerait à lui les planètes pour les contempler. Il créerait des montagnes, il bougerait la terre, il détruirait des ennemis. Il bâtirait des maisons, des édifices, des temples, des églises, des châteaux. Il transmuterait les animaux pour voir ce que ça donnerait. Il s'amuserait comme un fou. Il ne pourrait pas faire autrement. Il serait fou. Des questions. L'interprétateur actionnel et l'astral, tu dis qu'ils fonctionnent toujours. Mais supposons une personne est en avant, puis comme le sentiment, vu qu'elle est gênée ou poignée, de qu'elle bouge pas, même si elle se sent mal. Il n'y a pas de pensée qui va la faire bouger ou d'action qui va la faire bouger. Non, si la personne, elle est assise, elle a le stress, puis elle se dit, il faut que je parle, elle pense, elle ne sera pas nécessairement capable de parler. La personne se met à transpirer, elle dit, il faut que j'arrête de transpirer, elle ne sera pas capable d'arrêter de transpirer. L'interprétateur actionnel est intimement relié à l'ego. Lorsque l'ego pense, ça va. Mais lorsque la grande partie de l'ego subit un choc, vit une émotion particulière, l'interprétateur actionnel interprète cette émotion. L'interprétateur actionnel va interpréter que ce qui est vécu par l'humain. Lorsque la pensée apparaît, sans rien d'autre, ça va. Si l'émotion apparaît, l'émotion est toujours plus puissante que la pensée chez la majorité des individus. Alors, automatiquement, l'interprétateur actionnel interprète l'émotion. L'émotion s'exprime donc par le corps avec une accélération cardiaque, une manipulation du système endocrinien. Ce que l'humain peut arriver à faire s'il a un mental relié à l'interprétateur actionnel. Tu peux accélérer ton cœur comme tu veux. Tu peux avoir la chair de poule, tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. Sauf que tant que tu ne connais pas l'interprétateur et que c'est ton ego, donc tous les mécanismes émotifs de l'ego qui vont être en contact avec, celui-ci est un interprétateur. Ce n'est pas un maître, c'est un outil. C'est un ordinateur qui ne fait qu'interpréter le clavier pour donner une réponse à l'écran. Alors si celui qui joue avec le clavier, à un moment donné, s'appuie sur le clavier, alors il a beau peser sur une touche, il y a trop de touches de stimuler, c'est l'émotion, elle a plus de puissance, parce qu'elle est mieux placée au niveau du cerveau. Alors automatiquement, le corps va exprimer l'émotion. Même si la personne désire dans sa pensée cesser de rougir, cesser de transpirer, cesser d'avaler, cesser ceci, cesser cela, ça ne changera rien. L'interprétateur actionnel continue à fonctionner. Lorsque la personne intellectualise et qu'elle est capable de comprendre, c'est que le mental commence à être juste suffisamment assez puissant pour commencer à avoir une influence sur l'interprétateur actionnel. Donc, elle pourra arriver à contrôler l'apparence corporelle. Lorsque le mental a le dessus, alors automatiquement, émotion ou non, il n'y a pas d'expression dans le corps physique. Toi, tu sauras que présentement, tu es heureux et ça ne dérangera rien. Si tu décides de laisser ce bonheur s'exprimer parce que l'énergie que tu as goûtée du bonheur est une énergie constructive, alors automatiquement tu vas sourire, tu vas sentir le corps vibrer, tu vas devenir heureux. À l'instant même où l'ego sent une frustration, toi tu vas percevoir la frustration chez l'ego. Jamais elle ne va te nuire parce que jamais elle ne sera exprimée. Donc la frustration va mourir à l'instant même où elle va naître parce que le mental n'a rien à foutre avec cela. Et l'interprétateur actionnel étant désassujetti de l'ego, automatiquement, l'âme, l'ego, par le biais du système hypothalamien et thalamien, ne peut plus contrôler. L'interprétateur actionnel ne se trouve pas tout à fait centralisé au niveau du thalamus et de l'hypothalamus. C'est la coloration de l'ego. J'en ai déjà suffisamment parlé. L'interprétateur actionnel peut être, et ça c'est une chose intéressante, c'est qu'il peut être mobilisé par une opération chirurgicale au niveau du cerveau. Autrement dit, on peut prendre un humain qui est suffisamment évolué, et on est capable d'aller fouiller dans sa tête pour désassujettir l'interprétateur actionnel de l'ego. Si l'humain a suffisamment de mental, le mental va prendre dessus et automatiquement il va être capable de contrôler le corps. Donc, par une opération, on peut être capable d'arriver à faire d'un humain normal un télékinésiste. La neurochirurgie, la micro-neurochirurgie ne peut pour l'instant pas faire cela pour la simple raison qu'elle ne connaît rien de ces mécanismes et surtout qu'elle ne sait pas encore tout à fait où est connectée la représentation égoïque au niveau cérébral. Autrement dit, une personne qui se branche, tu n'as rien à foutre qu'elle connaisse ou non la microchirurgie, une personne qui se branche et qui ouvre un cerveau est capable de prendre un humain normal et de le transformer en un humain normal, transitif, qui a un corps mental, ça va de soi. Un corps mental personnalisé. Si on prend un humain conventionnel, on va rien foutre, on va faire de lui un zombie. Alors, prendre un humain transitif et d'en faire un homme pas nouveau. Un être qui aura la faculté de bouger la matière. Donc, qui ne sera plus malade. Il n'y aura plus de phénomène astro qui va nous le déranger dans son action. C'est un peu la lobotomie, à quoi ça sert, en fin de compte? La lobotomie, elle sert à déconnecter certaines parties de l'ego des manipulations extérieures. Alors, automatiquement, la personne ne vit plus dans sa conscience aucune manipulation extérieure. Sauf que la lobotomie, elle a aussi, dépendant d'où on va aller le lobotomiser. Pour ceux qui ne savent pas, la lobotomie, c'est une intervention cérébrale qui permet aux chirurgiens de sectionner certaines parties du cerveau pour rendre, on ne fait plus ça aujourd'hui, ou enfin très peu, pour rendre des personnes qui ont des déficiences mentales dangereuses pour les rendre dociles. Alors, si on a une personne qui, normalement, en déficience, passe son temps à se taper sur les murs, à tout casser, à massacrer tout le monde, à vouloir tuer, alors par la lobotomie, la personne devient docile. Tu lui dis de se lever, elle se lève, elle va aux toilettes, elle fait ce que tu veux. Bon. Alors, la lobotomie, c'est une intervention chirurgicale qui déconnecte certaines parties du cerveau des mécanismes de manipulation de l'astral extérieur. Alors, si la personne, elle est possédée, elle ne peut plus être possédée. Sauf qu'elle reste zombie parce qu'elle n'a pas de mental. Si la personne aurait un corps mental, même lobotomisée, elle resterait fonctionnelle sans ses problèmes. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que le corps mental personnalisé, si on est capable, par certaines techniques bien faites, les techniques que l'on connaît au niveau PMC, par certaines techniques bien faites, on n'a pas besoin de l'opération chirurgicale, automatiquement, il y aura suffisamment d'énergie mentale pour permettre une auto-opération. On peut appeler ça une mutation cérébrale qui va automatiquement permettre au corps mental de déconnecter l'assujettissement de l'interprétateur au plan de l'ego pour le connecter au plan mental. Il y a des personnes qui ont pratiqué certaines choses au niveau PMC, PMC 5 et 6, et qui, à un moment donné, découvraient des processus dans leur tête. On est en train de les lobotomiser. Mais intelligemment. L'énergie supramentale est en train d'opérer une mutation. Il y a donc des choses qui vont se déconnecter, d'autres choses qui vont être. Ça prend un certain temps, mais ces techniques fonctionnent. Alors, on a des personnes ici même dans la salle, au niveau PMC 6, qui ont pu constater, alors, ils n'ont pas encore constaté l'effet expressif de ce qui s'est passé, mais ils ont pu constater l'effet sensible.